te dire que je suis fou de toi, mais que j'aurai toujours peur de te perdre encore une fois. Comment mentir quand je te vois? J'ai juste envie d'être avec toi et dans tes petits bras. Mais je ne me laisserai plus jamais avoir par toi. Je me suis laissé avoir par toi, donc par toi. Laissé avoir, je me suis laissé avoir par toi, donc par toi. Comment revenir la route qui mène à notre passé, ne peut-être pris que par ton unique combat. J'aurais voulu te dire que je ne suis pas celui qui t'aimait, dire à travers tes messages. Mais je ne me laisserai plus jamais avoir par toi, par toi. Je ne me laisserai plus jamais avoir par toi, par toi. Tu m'as laissé des souvenirs du temps et des engueulades. Puis un jour la haine est partie. Tu m'as laissé des souvenirs du temps et des engueulades. Un jour ma belle est partie. Je suis entre la question et l'hésitation. Comme on dit, les ex sont comme des prisons. Mais dois-je céder à la tentation? Non, je ne me laisserai plus jamais avoir par toi. Le cerveau.